tatouages et de dessiner de bas en haut. Je voudrais qu'on croie qu'il y a un orage en permanence dans mon cerveau. Je voudrais avoir des blessures et des plaies mal cicatrisées. Ici ou là, des traces d'usure qui témoignent que j'ai baroudé. Oh mais je n'ai rien de tout ça, ah, ah. Pas la moindre trace insolite, même si j'ai le nez plus ultra des cicatrices d'appendicite. Palabalabalam, pam, palalam, palabalabalam, pam, palalam, palabalabalam, pam, pam, pam, pam, pam, palam. Je voudrais avoir le regard sombre et l'aura d'un mec dangereux. Je voudrais qu'on me compte au nombre de ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Je voudrais pouvoir compter les clous au dos de mon perfecto et que les filles tombent à genoux quand je passe sur ma moto. Oh mais je n'ai rien de tout ça, ah, ah. Je suis un gentil garçon et quand je passe sur ma Vespa, les filles trouvent que j'ai l'air con. Parabalabalam pam pam pam, parabalabalam pam pararam, parabalabalam pam pam pam pam pam param. Je voudrais être un rocker dégénéré comme un punk, mais en plus allumé. Je voudrais que l'abus soit mon credo et me conduire en vrai salaud. Je voudrais être un guitare héros, oh, tout déchiré dans les solos, péter même les cordes en bronze et pousser la disto à 11. Oh mais je n'ai rien de tout ça, ah, ah. Je suis plutôt mal barré car les solos ça ne passe pas quand on joue du ukulélé. Parabalabalam pam pararam, parabalabalam pam pararam, parabalabalam pam pam pam pam pam param, eram parabalabalam pam pararam, parabalabalam pam pararam, parabalabalam pam pam pam pam param. Finalement, je suis pas si mal. On a vu pire dans les annales. Mais être gentil et rigolo, y a des jours j'en ai plein le dos. Balabalabala.